Bouquin de Monsieur de Balzac par Madame Émile Girardin. Troisième partie, chapitre 10, Merveille. Eh bien oui, cela était ainsi. Cette affreuse canne était semblable à l'anneau de Gigès, au rameau d'or de Robert le Diable. Elle rendait invisible. Cela ne se peut pas, dira-t-on, et n'a-t-on pas dit cela de toute chose? Toute invention n'a-t-elle pas été niée à sa naissance, tout problème fraîchement résolu? N'est-il pas mensonge jusqu'au jour où il passe à l'état de vulgarité? L'industrie de nos jours, enfante des merveilles, fait des miracles. Relisez, je vous prie, les mille et une nuits, et vous verrez que les chimères les plus flatteuses, les prodiges jadis inventés pour séduire l'imagination, sont réalisés, popularisés de nos jours, sans que même on conçoive l'idée qu'ils aient été rêvés comme impossibles. Ainsi, par exemple, dans l'histoire du prince Ahmed et de la fée Paris Banou, il est dit que le prince Hussein, frère du prince Ahmed, possédait un tapis sur lequel il suffisait de s'asseoir pour être transporté, presque dans le même moment où l'on souhaitait aller, sans que l'on fût arrêté par aucun obstacle, et qu'il avait payé ce tapis 40 bourses. On fit dans le temps beaucoup de bruit de cette merveille. Eh bien, aujourd'hui, nous avons mieux que cela. Oui, mieux. Les chemins de fer. Ils sont 100 fois préférables à ce tapis. Par eux, d'abord, on va plus vite, on va à plusieurs, et assurément à bien meilleur marché. Il est dit encore que le prince Ali, frère puiné du prince Hussein, avait acheté 30 bourses, un petit tuyau d'ivoire, avec lequel il voyait ce qui se passait chez les gens les plus éloignés. Ou bien ce tuyau, dont on faisait grand étalage, n'était autre chose qu'une lunette d'approche, merveille à laquelle nous faisons, nous autres, fort peu d'attention. Et pourtant, quoi de plus admirable que d'être là, tranquillement assis à sa fenêtre, et de voir tout là-bas, là-bas, des vaisseaux qui arrivent, des hommes qui se battent, et d'assister ainsi à toutes sortes de dangers qui ne peuvent nous atteindre. Mais qui a donc jamais pensé admirer une lunette d'approche? Enfin, on raconte que le prince Ali, frère du prince Hussein, avait de son côté fait emplette dans le Bezenstein de Samarcande d'une pomme artificielle qu'il paya 35 bourses. Cette pomme avait la vertu de guérir toute espèce de maladie, et cela par le moyen du monde le plus facile, puisque c'était simplement en la faisant flairer à la personne. Eh bien, je vous le demande, l'homéopathie n'en fait-elle pas bien d'autres? Au lieu d'une pomme, c'est un petit flacon. Vous le respirez, et vous voilà guéri. Vous allez mourir, un peu de poudre sur la langue, et vous voilà sauvé. Avouons qu'il n'y a rien de plus vulgaire que les prodiges. Dans les mille et une nuits, il est bien encore question d'un petit pavillon économique, qui, déployé d'une certaine manière, abritait une armée de 200 000 hommes. Je ne sache pas qu'on ait imaginé encore rien de semblable. Peut-être n'en a-t-on pas besoin. Bonaparte, lui, logeait chaque soir, en idée, ses soldats dans les villes qu'il comptait prendre dans la journée. Nous, nous les logeons chez nous, pour l'instant. Mais si nous faisons la guerre, je gage que nous remplacerions avec avantage le parasol de la fée Paris-Banou, et que ce qui fut la merveille d'un conte arabe ne sera pour nous qu'un procédé économique fort ingénieux. Tout cela vous explique comment un rival de Verdier, dont nous ne vous donnerons pas l'adresse, par des raisons qui nous sont particulières, a trouvé le moyen de faire une canne merveilleuse, qui a la propriété de rendre invisible celui qui la porte. Invisible, invisible seulement. Non pas insensible, non pas impalpable, j'en conviens, l'invention n'est pas encore perfectionnée. Il faut même, pour que la canne ait toute sa puissance, qu'on la tienne de la main gauche. Dans la main droite, elle n'a aucune vertu. On vous voit, on la voit, elle est fort laide, et voilà tout. Mais sitôt que votre main gauche s'en empare, vous disparaissez aux yeux des humains. On vous cherche, vainement. Vous êtes là et vous n'êtes plus là. C'est admirable. Dans un an, tout le monde aura de ces cannes-là. Cela deviendra commun et inutile. Car si tout le monde est invisible, à quoi servira-t-il de l'être soi-même? À quoi bon se cacher pour observer des êtres qu'on ne verra pas? Cela serait une nuit universelle sans intérêt. Heureusement, le procédé est jusqu'à présent inconnu. Monsieur de Balzac est le seul qui en est usé, peut-être même abusé. Car nous le disons à regret. Peut-être a-t-il manqué de délicatesse en dévoilant ainsi dans ses ouvrages les secrets qu'il avait surpris à l'aide de son invisibilité. N'importe, voilà maintenant son talent expliqué. Nous savons comment il a fait pour lire dans l'âme de ses héros, de la femme de 30 ans, d'Eugénie Grandet, de Louis Lambert, de Madame Jules, de Madame de Beauséant, du père Goriot, et dans tant d'autres âmes dont il a raconté les souffrances avec une vérité si palpitante. On se disait comment se fait-il que Monsieur de Balzac, qui n'est point avare, connaisse si bien tous les sentiments, toutes les tortures, les jouissances de l'avare. Comment Monsieur de Balzac, qui n'a jamais été couturière, sait-il si bien toutes les pensées, les petites ambitions, les chimères intimes d'une jeune ouvrière de la rue Mouffetard? Comment peut-il si fidèlement représenter ses héros, non seulement dans leur rapport avec les autres, mais dans les détails les plus intimes de la solitude? Qu'il sache les sentiments, soit, l'art peut les rêver et rencontrer juste, mais qu'il connaisse si parfaitement les habitudes, les routines et jusqu'aux plus secrètes minuties d'un caractère, les manies d'un vice, les nuances imperceptibles d'une passion, les familiarités du génie, cela est surprenant. La vie privée, voilà ce qu'il dépeint avec tant de puissance. Et comment est-il parvenu à tout dire, à tout savoir, à tout montrer, à l'œil étonné du lecteur? C'est au moyen de cette canne monstrueuse. Monsieur de Balzac, comme les princes populaires qui se déguisent pour visiter la cabane du pauvre et les palais du riche qu'ils veulent éprouver, Monsieur de Balzac se cache pour observer. Il regarde des gens qui se croient seuls, qui pensent comme jamais on ne les a vus penser. Il observe des génies qu'il surprend au saut du lit, des sentiments en robe de chambre, des vanités en bonnet de nuit, des passions en pantoufles, des fureurs en casquette, des désespoirs en camisole. Et puis il vous met tout cela dans un livre. Et les livres courent la France, on le traduit en Allemagne, on le contrefait en Belgique, et Monsieur de Balzac passe pour un homme de génie. Au charlatanisme, c'est la canne qu'il faut admirer, et non l'homme qui la possède. Il n'a tout au plus qu'un mérite, la manière de s'en servir. Or, il arrive à cela. Tancrède alla voir Monsieur de Balzac et lui conta comment il avait découvert la vertu singulière de sa canne. « J'étais si préoccupé, lui dit-il, du besoin d'être invisible, qu'il n'est pas étonnant que j'aie deviné une merveille que je rêvais. »« Vous ? » s'écria Monsieur de Balzac. « Il me semble que vous avez moins intérêt qu'un autre à n'être pas vu. » Tancrède alors raconta naïvement tous les échecs que sa trop grande beauté lui avait valu depuis son séjour à Paris. Monsieur de Balzac l'écouta avec curiosité. Cette situation nouvelle lui plut à observer. Il chercha à se lier plus intimement avec un jeune homme qu'il trouvait distingué, spirituel, et qui d'ailleurs possédait son secret. Grâce à sa canne, Monsieur de Balzac sait bien vite à quoi s'en tenir sur le caractère de ses amis. Tancrède, de son côté, ne négligea rien pour capter la confiance de l'illustre écrivain. Il se rapprocha de lui, loua un appartement dans son voisinage, et enfin trouva le moyen de lui rendre un de ces services qui fondent une amitié pour la vie. Nous ne dirons point quel fut ce service, dont le sexe mérite des égards. Les personnes qu'il pourrait compromettre nous sauront gré de cette discrétion. Il suffit de savoir que Tancrède fit preuve en cette occasion de tant de délicatesse, de présence d'esprit, de réserve, que Monsieur de Balzac consentit à lui prêter, pendant quelques jours, sa canne précieuse, sans crainte qu'il voulût jamais abuser de la puissance qu'elle lui donnait. Tancrède était ravi. transporté. Au comble de sa joie, il possédait enfin ce qu'il avait tant désiré. Mais il lui arriva ce qui arrive quelquefois aux gens qui voient soudain leurs vœux les plus extraordinaires accomplis. Ils se trouvent déroutés. Ce bonheur inattendu les dérange. Ils n'y comptaient pas. Ils s'amusaient à rêver une chose parce qu'ils la croyaient impossible. Et puis lorsqu'ils l'obtiennent, ils ne savent plus qu'en faire. Ô humanité, Tancrède était toujours charmé de pouvoir être invisible à volonté, mais il se demandait à quoi cette puissance lui servirait. Comment, par exemple, se disait-il, à moins d'aller dévaliser les maisons, ce don me mènera-t-il à faire fortune? Une circonstance vint heureusement répondre à cette question. Chapitre 11. Un beau hasard. Sur ces entrefaites, Tancrède reçut une lettre de sa mère, qui d'abord lui demandait pardon de l'avoir fait si beau, et qui ensuite le recommandait, en dernière espérance, à monsieur ministre de, auprès duquel elle avait un protecteur tout-puissant. Tancrède alla se faire protéger chez le protecteur, qui le protégea, et qui ne fit en cela rien d'extraordinaire, car il avait un bureau de bienveillance établi chez lui, certains jours à de certaines heures. Il protégeait régulièrement une douzaine d'intrigants tous les jeudis dans la matinée. Tancrède ainsi recommandé s'en alla chez le ministre dont il avait reçu une lettre d'audience. Monsieur le ministre, qui avait été taquiné, tourmenté et pluché la veille par un député de l'opposition, cela s'appelle, je crois, interpellé, monsieur le ministre était de fort mauvaise humeur. D'ailleurs, il fallait qu'il parût indigné dans sa réponse à la Chambre. Et il se maintenait en courroux pour se préparer à un discours violent. Il traitait son éloquence comme un cheval de course qu'on entraîne avant le combat. Monsieur le ministre bousculait tout le monde. Terme de bureau. Il bouscula Tancrède. Il ne l'écouta point, lui répondit mal. Enfin, il abusa de sa position pour le blesser sans qu'il eût le droit de se plaindre. Tancrède se révolta. « Ah, monsieur le ministre, pensa-t-il, vous me traitez ainsi parce que je suis un jeune homme, inconnu, dont vous n'avez rien à craindre. Ah, vous m'écrasez de votre puissance parce que vous me croyez sans crédit. Eh bien, moi aussi j'ai une puissance, et puisque vous abusez de la vôtre, jugerai de la mienne, et nous verrons. » Tancrède traversa les salons, descendit l'escalier du ministre, sans avoir encore de projet arrêté. Il rejoignit à la porte de l'hôtel le cabriolet qu'il avait amené, prit la canne qu'il avait laissée dans son manteau, congédia le cocher de cabriolet et, bravant le Suisse implacable, rentra invisible dans la vaste cour de l'hôtel. Il se promena quelque temps, invisible, fort en colère. Comme il marchait, la voiture de monsieur le ministre vint s'arrêter devant le perron. Un valet de pied bizarre, vêtu d'une livrée non seulement de fantaisie, mais je dirais même fantastique, vint ouvrir la portière. Monsieur le ministre descendait lentement l'escalier, suivi d'un autre personnage qui lui parlait avec chaleur, et le domestique tenait toujours la portière de la voiture, dont le marchepied était baissé. Tancrède, comme un écolier, s'approche. Puis une idée folle s'empare de lui. Voyant ce carrosse béant depuis un quart d'heure, il veut s'y asseoir et s'y reposer. Soudain, il s'élance invisible sur le marchepied et va se placer au fond de la voiture. Le mouvement qu'imprime la voiture fait avancer les chevaux. Le cocher les retient facilement. Mais le bruit a réveillé monsieur le ministre de sa conversation. Il se rappelle qu'il est en retard. Il se hâte et grimpe dans sa voiture. Tancrède veut sortir et se lève aussitôt. Mais le ministre qui vient de s'asseoir se penche en dehors de la portière. Il ferme l'entrée de toute sa capacité. Tancrède espère encore s'échapper. Mais monsieur le ministre étend ses jambes officiellement, donne ses ordres. La portière de la voiture se referme et voilà les chevaux partis. Monsieur le ministre s'établit dans son carrosse. Il s'étale. Il se carre et prend autant de place qu'il en peut prendre. Tancrède, au contraire, se presse, se blottit, se cache, comme s'il n'était pas invisible. Il se sent indiscret, il n'en veut plus tant au ministre. Les torts que nous nous trouvons avoir envers une personne qui nous a offensés calment tout à coup nos ressentiments, surtout lorsqu'ils sont involontaires, que nous ne les avons pas choisis. Un caractère noble n'imagine qu'une noble vengeance. Il ne rêve que des cruautés dignes de lui. Les torts de hasard, les mauvais procédés de circonstances qu'il a envers son ennemi lui semblent au-dessous de sa haine. Il en est honteux. Dans la loyauté de sa raison, il reconnaît que son ennemi n'a pas agi si mal que lui, et comme il est désenchanté de sa propre haine, il pardonne par humilité. Tancrède se reprochait sa conduite. Le ministre avait simplement manqué d'égard en l'accueillant légèrement. Mais lui manquait de délicatesse en le suivant à son insu comme un espion. Tancrède se livrait à ses réflexions lorsque tout à coup le ministre s'écria « Messieurs !» Tancrède ne put s'empêcher de sourire. Il se pinçait les lèvres. Il faisait des grimaces pour garder son sérieux, sans penser qu'on ne pouvait le voir, mais on a de la peine à s'accoutumer à être invisible. « Monsieur, continua le ministre, le ministère n'est pas embarrassé de répondre aux attaques de ses ennemis. » Ici, l'orateur s'arrêta. Puis il reprit. « Nous sommes en mesure, messieurs, de prouver à nos adversaires. » L'orateur s'arrêta de nouveau. Il reprit. « Ce n'est pas la première fois, messieurs, que l'opposition nous... » Il s'arrêta encore. « Bon, dit-il, je trouverai tout cela là-bas. » Monsieur le ministre avait raison, il ne retrouvait toutes ses idées qu'à la tribune, ce qui était fâcheux. Ça faisait dire qu'elle restait. « Il paraît que nous allons à la chambre, pensa Tancrède. Je n'y suis pas encore allé, tant mieux. » Monsieur le ministre se remit à chuchoter entre ses dents. « Le voilà maintenant qui se parle à lui-même, se dit Tancrède. » Mais le ministre, élevant la voix, « Si, cela ne se peut pas. J'ai déjà eu l'honneur de le dire au roi. Cela fera crier. On dira encore que... » En ce moment, la voiture s'arrêta. Non pas à la chambre des députés, comme le pensait Tancrède, mais aux Tuileries. Le ministre descendit de voiture. Tancrède le suivit aussitôt. Par bonheur, le valet de pied était un lourdeau qui lui laissa le temps de descendre avant qu'il eût pensé à relever le marchepied. Entraîné par le hasard et la curiosité, Tancrède s'attacha au pas du ministre. Il n'avait jamais visité les Tuileries. Tout cela l'amusait. Il franchit le grand escalier dont la magnificence l'éblouit, traverse la salle des gardes et pénètre toujours à la suite de monsieur le ministre dans un grave salon tendu en bleu, au milieu duquel est une grande table recouverte d'un tapis de velours bleu. Chambre historique, autrefois le salon de l'empereur, aujourd'hui le laboratoire diplomatique, qu'on appelle à Paris la boutique ministérielle, qu'on nomme en Europe le cabinet des Tuileries. Plusieurs hommes étaient déjà réunis dans ce salon. Le ministre que Tancrède escortait comme un recors invisible était évidemment en retard. Chez lui, c'était un système. Si l'exactitude est la politesse des rois, l'inexactitude est au contraire l'habileté des ministres, de ceux du moins qui sont influents. D'abord, elle ajoute à leur importance. Ensuite, un homme ingénieux qui a des idées ne risque rien de laisser les autres épuiser les mots, discuter longtemps, retourner, embrouiller les questions que lui seul sait pouvoir résoudre. C'est un avantage que d'arriver sain et frais d'esprit au milieu de gens fatigués et dégoûtés de leurs opinions par toutes les objections qu'elles ont essuyées. C'est un beau rôle à jouer. Il semble toujours qu'on rallie les camps divers, on est toujours l'épée qui fait pencher la balance. C'est très adroit, mais pour cela, il faut être homme d'importance, car il est force gens que l'on n'attendrait pas, des malheureux que l'on n'attend jamais, que l'on n'a jamais attendu pour rien. Oh, cela, nous leur conseillons d'être exacts, d'arriver même un peu avant l'heure, s'ils veulent obtenir en leur vie une part de quoi que ce soit, et être entrés pour quelque chose dans une décision quelconque. Le ministre de Tancrède fut donc accueilli comme un homme qu'on attendait et dont on attendait une idée. Un personnage qui paraissait avoir une sorte de prépondérance sur les autres, vint à lui en lui tendant cordialement la main. Mais, pense à Tancrède, j'ai vu cette figure-là quelque part, cet homme ne m'est pas inconnu. Le roi sait-il, dit un des ministres, que je suis fou, pensa aussitôt Tancrède. C'est le roi, comment n'ai-je pas deviné cela tout de suite? Je devais pourtant bien m'attendre à trouver le roi ici. Le roi, peu d'instants après, s'assit devant la table, et les ministres prirent chacun leur place au conseil. Tancrède était singulièrement embarrassé, combattu entre la curiosité d'écouter tout ce qu'on allait dire et la honte de commettre un espionnage indigne de lui. Enfin, il capitula avec sa conscience. L'espionnage, se dit-il, consiste à répéter et non pas à savoir. Et il se disposa à écouter. Par malheur, en se promenant dans l'hôtel du ministère, il avait eu froid. Ce froid avait réveillé un gros rhume qu'il combattait depuis 8 jours, et qui semblait l'avoir oublié un moment. C'était un de ces beaux rhumes qui font scandale au spectacle et à l'académie. Une de ces toux opiniâtres qu'on appelle quinte pendant toute la première jeunesse, mais qui, vers la fin de la vie, sont respectées sous le nom plus imposant de catarrhe. Tancrède lutta d'abord avec la quinte ennemie. Il étouffait et suffoquait. Bientôt le combat devint impossible. Il toussa hardiment et se livra à toute la frénésie de son rhume. Le roi était occupé à lire. Il parcourait un travail qu'un des ministres venait de lui remettre. Il ne leva pas les yeux, mais il entendit cette toux effroyable et il ne douta pas qu'elle n'appartînt à un de ses ministres. Jugeant un homme de guerre, épuisé par de nombreuses campagnes, plus capable d'en être le propriétaire que les autres ministres, plus jeunes que lui. Il s'adressa au ministre de la guerre et lui dit avec bonté « Vous êtes bien enrhumé, monsieur le maréchal. » Le maréchal n'était point enrhumé, mais trop bien élevé pour contrarier son souverain et pour détourner une marque d'intérêt qui pouvait faire envie à d'autres, il répondit en s'inclinant respectueusement « Oui, sire, très enrhumé, l'autre jour à la revue, et il se mit à tousser avec enthousiasme. Tancrède était sauvé. Une flatterie avait rendu probable ce rhume fantastique, dont le roi aurait pu s'étonner. Il toussa de concert avec le maréchal, qui bientôt finit par le surpasser. La toux de celui-ci, d'abord flatteuse, était devenue sincère. Ce genre de ruse est facile à cet âge. Il s'en acquittait même si bien que Tancrède fut tenté de lui dire « Merci, brave homme, assez, on n'a plus besoin de vous. » En cet instant, un huissier entra. Il remit au ministre des Affaires étrangères un paquet qui contenait des dépêches. « Un courrier de Londres, » dit le roi. Il rompit le cachet. Le ministre était chargé, Lord, a donné sa démission. Cette nouvelle fit sensation dans le conseil. On s'agita, on s'alarma. Le roi prit la parole. La discussion s'engagea vivement et devint des plus intéressantes, si intéressantes enfin qu'il nous est défendu de la rapporter. « Voilà qui va faire baisser les fonds, » dit un des ministres bas à un de ses collègues pendant que les autres discouraient. Ce fut ce que Tancrède comprit le mieux de toute la discussion. « Si je profitais de cette circonstance, » pensait-il. Alors il n'écouta plus rien de ce que l'on disait. Il se perdit dans ses combinaisons, médita 20 projets, rejeta les uns, pesa les autres, et finit par se décider à courir ce monsieur Nantua pour lui faire part de la nouvelle dont un hasard l'avait instruit. Un huissier rentra sous je ne sais quel prétexte. Dès que la porte fut ouverte, Tancrède s'échappa. Il arriva bientôt chez M. Nantua. C'était précisément son jour d'audience, car le moindre millionnaire a ses jours de réception matinale. M. Nantua, se rappelant la manière dont il avait trompé Tancrède dans ses espérances, le reçut d'abord avec embarras, mais Tancrède le mit bien vite à son aise. « Monsieur, dit-il, je viens vous faire part d'une chose très importante, et vous pouvez de votre côté me rendre un grand service. » une circonstance que des raisons de délicatesse ne peuvent me permettre de vous expliquer, me rend, avant tout le monde, possesseur d'une nouvelle qui doit avoir la plus grande influence sur les fonds. Je suis venu vous en instruire en toute hâte, en ne demandant, pour prix de ma bonne volonté, qu'un modeste intérêt dans vos opérations. Mais, mon cher enfant, dit le banquier en souriant, je ne vous comprends pas, car enfin, et voilà bien le malheur, s'écria Tancrède. Ah, monsieur, si je pouvais m'exprimer clairement, si je pouvais vous dire la vérité, comme vous verriez qu'il n'y a pas de honte, je vous tiendrais un autre langage, je vous dicterais de plus sévères conditions. Mais j'ai besoin avant tout de vous inspirer de la confiance. Et comme rien n'est plus extraordinaire que la situation où je me trouve, je me suis préoccupé que d'une idée. C'est de ne point passer à vos yeux pour un fou. Et cependant, il y a de quoi perdre la tête, tenir entre ses mains sa fortune, et ne pouvoir la faire. Et cela parce qu'on est inconnu. Croyez, monsieur, que si j'avais le moindre crédit, je ne viendrais pas vous tourmenter. J'aurais bien su faire mon affaire à moi tout seul. Je vous en réponds. Vous oubliez, mon cher, reprit M. Nantois avec malice, que votre intention était de me rendre service. Tancrède se mit à rire à son tour. Sans doute, je voudrais aussi vous rendre service, reprit-il. Je voudrais surtout pouvoir vous parler franchement. Mais vous connaissez trop le monde pour ne pas comprendre qu'il est 20 circonstances dans la vie aventureuse d'un jeune homme qui peuvent le mettre en possession d'un secret, honnêtement, légalement même, sans qu'il puisse cependant expliquer comment il en a eu connaissance. Mais tenez, je m'engage, si je vous trompe. Oui, je signe à l'instant même une obligation de 50 000 francs, avec laquelle vous pourrez me faire jeter en prison pendant une année, si la nouvelle que je vais vous apprendre n'est pas exacte. Eh bien, dit M. Nantua, j'ai confiance en vous. Mais ayez aussi confiance en moi. Dites-moi votre nouvelle, et si je juge au fait, dit Tancrède, je vous la dirai toujours. Seul, je n'en puis rien faire, et j'aime autant que vous en profitiez. Eh bien, le ministère anglais est changé. Lord a donné sa démission. Cette nouvelle produisit sur le banquier encore plus d'effet qu'elle n'en avait produit sur le conseil des ministres. « Mais êtes-vous bien sûr ? » dit-il. « J'en suis certain. » Aussi certain qu'il est possible de l'être, et je donnerai en ce moment tout l'argent que je voudrais gagner pour pouvoir vous inspirer ma conviction et vous raconter les étranges événements qui me l'ont donné. Je le sais, vous dis-je, je le sais positivement. Comment le télégraphe n'a-t-il pas déjà... Ah, le brouillard est tel depuis 3 jours que cela se comprend. Allons, mais vous me donnez votre parole d'honneur ? Ma parole d'honneur, dit Tancrède avec l'accent de la loyauté. Eh bien, au revoir, mon associé. Revenez demain matin. Tancrède s'éloigna fort agité. En le voyant partir, c'est quelque histoire de femme, pensa M. Nantua. Ce beau garçon était sans doute caché dans quelque boudoir lorsque le ministre a lu ses dépêches. Il doit être discret, c'est cela. La nouvelle était vraie, comme nous le savons. La baisse des fonds fut plus forte qu'on ne l'avait imaginée, et M. Nantois gagna une somme plus considérable qu'il ne l'osait espérer. Tancrède eut sa part dans ses bénéfices, et cette fortune imprévue suffit à son ambition du moment. Tancrède s'était dit « Je ne puis vivre sans argent », et il s'était mis en peine de trouver de l'argent. Maintenant il se dit « Je ne puis vivre sans amour ». Et il se mit en peine de trouver de l'amour. C'était plus facile, dira-t-on. Je ne le crois pas, moi. Les pauvres de cœur sont les plus nombreux à Paris, et comme il n'y a pas d'hospice pour cela, on risque de les rencontrer partout. Et ce sont ceux qui vous attaquent et vous dévalisent. Chapitre 12. La canne est en danger. Rien n'est si dangereux qu'un premier succès. Tout bonheur est un piège que nous tend le destin. D'ailleurs, il résulte toujours de la grande application d'esprit qui exige la réussite d'une entreprise audacieuse. Il résulte toujours une fatigue de la pensée, une détente de toutes les facultés, une courbature de nos sens, une négligence, suite de l'enivrement même du triomphe qui nous amène à compromettre le succès que la veille nous avons acheté par tant d'efforts. En bataille, en amour, en toute chose, le lendemain est un grand jour. Le lendemain. Et pourtant c'est ce jour-là qu'on dédaigne. et c'est ce jour-là qu'on s'endort. Ô danger, ô folie, lendemain, jour terrible, décisif et solennel, l'avenir dépend de toi, en gloire, tu le sais, il t'appartient. En gloire, qu'est-ce qu'une bataille gagnée dans sans le lendemain qui la consacre? En amour, qu'est-ce qu'un jour de bonheur sans le lendemain qui le purifie? Le lendemain, c'est la sagesse dans la gloire, c'est la conscience dans l'amour. C'est du lendemain que l'histoire attend ses jugements, c'est du lendemain que le cœur date ses souvenirs. Et ce proverbe qui dit « Il n'est pas de fête sans lendemain » ne veut pas dire qu'il faille s'amuser 2 jours de suite. Il signifie que c'est le lendemain seulement que nous saurons si nous avons eu raison de nous réjouir de la veille. Ô sagesse des nations, Tancrède devait à sa canne un grand succès qui l'étourdit. Cela était tout simple. Lui, quelques jours auparavant, son ressource, repoussé de toutes les maisons où d'abord on l'avait accueilli avec bienveillance, tourmenté de l'idée de ne pouvoir restituer à sa mère ses pauvres 1000 écus, si chèrement obtenus, lui malheureux, découragé, sans argent, sans amis, se trouvait tout à coup en possession d'une somme fort considérable. Et ce qui était mieux encore, en relation d'affaires avec un des banquiers les plus considérés de Paris. Son extrême beauté n'était plus un obstacle alors à ses rapports avec M. Nantua. Il ne s'agissait plus de faire partie de sa maison et d'être commis dans ses bureaux. Mademoiselle Nantua n'avait aucune chance de le voir. Tancrède pouvait donc rencontrer M. Nantua à la bourse, à l'opéra, et faire de grandes affaires avec lui, sans aucun danger pour l'imagination romanesque de sa jeune fille. D'ailleurs, le père prudent avait moins de scrupules depuis que M. Dorimont servait si bien ses intérêts. Tancrède était donc dans une bonne veine, et il éprouvait cette grande joie d'une âme soulagée, cet allègement d'un esprit délivré, ce bonheur apprécié qui est fatal, car le sort est généreux en cela qu'il nous laisse le bonheur tant que nous ne le sentons pas. Et puis si quelqu'un prudent ose dire « que je suis heureux », alors le destin se révolte, le monde crie au scandale, et quelque bonne catastrophe vient aussitôt rétablir l'équilibre dans le cœur, c'est-à-dire les regrets, la crainte et l'ennui. Et le front qui s'élevait s'abaisse, et la voix qui chantait s'éteint, et tout rentre dans l'ordre accoutumé. Tancrède était fatalement heureux, et il venait d'écrire à sa mère le changement de sa position, qu'il avait expliqué par un mensonge. Il lui renvoyait aussi, avec une généreuse usure, la somme qu'elle lui avait donnée en partant. Cette longue lettre, écrite avec plaisir, avait renouvelé sa joie. Il ne pouvait tenir en place. Il se promenait dans sa chambre, il se parlait, se racontait lui-même ses projets. Enfin, pour employer son agitation, il prit sa canne et son chapeau et s'en alla faire des visites. Sa canne et son chapeau. Remarquez bien cela. Ces mots toujours insignifiants sont d'une grande importance dans cette occasion. Et Tancrède n'y attacha point assez d'importance. Il prit sa canne et son chapeau, comme un autre aurait pris sa canne et son chapeau. Malheureux le trésor qui tombe aux mains d'un si jeune homme. Les trésors ne sont pas faits pour la jeunesse. À 20 ans, on ne sait ni être riche, ni être aimé. Tancrède s'en allait donc comme un étourdi, joyeux et léger, très étonné qu'on ne lui fît pas compliment d'un bonheur dont il n'avait fait part à personne. Les vives émotions ont un instinct qui nous servirait de thermomètre pour juger les gens qui nous aiment, si nous le consultions plus souvent. Il est des amis que nous allons voir tout de suite quand il nous arrive quelque chose d'heureux. Notre bonheur n'est complet que lorsqu'ils le connaissent. Nous courons chez eux bien vite pour leur en parler. Et s'ils sont sortis, nous disons notre bonheur à leur portier pour qu'ils les en instruisent à leur retour. Ceux-là sont les vrais amis. Il en est d'autres auxquels nous pensons avec crainte, nous disant « Comment vont-ils prendre cela? Ce sont les faux amis. » Il en est d'autres auxquels nous ne pensons pas du tout. Ce sont quelquefois les meilleurs, mais c'est que nous ne les aimons pas. Et comme ce n'est pas de notre faute, il n'en faut point parler. Le fait est que l'instinct du cœur le guide vers ceux qui doivent le comprendre, les jours où il a besoin d'être compris, comme la science du plaisir guide le Parisien vers le théâtre italien, quand il désire entendre de la musique, vers le vaudeville quand il veut se divertir, ou vers le rocher de Cancale quand il prétend dîner. Ainsi une vague pensée disait à Tancrède que la personne qui se réjouirait le plus de sa joie, après sa mère, était la gentille madame Télissier. Il sentait bien qu'il ne lui était pas indifférent. Il lisait déjà dans ses yeux un trouble dont elle était bien loin de deviner la cause. Malvina ne s'était jamais rendu compte de ses impressions. Son âme était encore dans l'âge d'or des sentiments. Ceux qu'elle éprouvait n'étaient pas encore nommés. Son cœur avait été toujours si occupé, si affairé, qu'il n'avait jamais eu le temps d'analyser, de baptiser ses impressions. Sa mère, toujours souffrante, avait accaparé toutes ses pensées jusqu'à l'âge de 16 ans, qu'on l'avait mariée. Puis les enfants étaient venus si vite, si nombreux, qu'elle n'avait pas eu le temps de s'apercevoir qu'elle n'aimait pas du tout son mari. Elle l'aimait sans doute parce qu'il était bon et qu'il l'aidait à soigner sa mère, mais elle n'éprouvait point d'amour. Et puis l'amour, elle n'y avait jamais songé. Elle ne pensait pas, elle vivait. Son cœur était très sensible, mais son imagination était endormie. Elle aimait ses enfants parce qu'elle était leur mère, mais elle ne s'était jamais dit « l'amour maternel est la passion de ma vie ». De même, lorsqu'elle donnait à sa mère des soins si éclairés, si touchants, elle ne se disait point « la piété filiale occupe tous mes jours ». Elle ne faisait état de rien. Quand sa mère avait ses accès de goutte, elle passait la nuit auprès d'elle. Quand sa mère se portait bien, elle passait la nuit au bal, à s'amuser comme une jeune fille. Trop naïve, trop naturelle pour n'être pas coquette, elle cherchait à plaire. Mais malgré elle, elle aimait les chapeaux, les robes, les fleurs, les rubans, sans prétendre être une femme à la mode. Elle s'occupait de sa maison sans se croire une bonne ménagère. Elle remplissait tous ses devoirs sans savoir que c'était cela qu'on appelait les devoirs. Elle avait accepté tous les rôles que lui avait offerts la vie, sans savoir à quel emploi ils appartenaient, avec innocence et bonne foi. Mais tout faisait craindre aussi qu'elle n'en acceptât de plus périlleux avec la même innocence et la même bonne foi. C'était enfin ce que les femmes froides et romanesques appellent, avec dédain, une bonne petite femme. Malheureusement, ces bonnes petites femmes ont plus d'âme que les grandes femmes langoureuses, et Malvina était d'autant plus sensible qu'elle n'était point romanesque. Elle ne croyait pas à tous les grands événements qu'on raconte dans les livres. Elle pensait qu'ils avaient dû se passer dans les temps fabuleux de l'histoire, n'imaginant pas que dans la rue Saint-Honoré ou dans la rue de Gaillon, il pût rien arriver d'extraordinaire à une femme qui habitait chez son mari avec ses enfants. D'ailleurs, elle lisait fort peu, quelques pages le soir pour s'endormir, comme elle le disait elle-même. Et ce qu'on lit dans ce but est rarement fait pour exalter les pensées et troubler l'imagination. Elle n'était donc gardée par rien, ni par des rêveries folles, ni par des idées fausses. Et un amour véritable, un événement singulier, devait la trouver sans défense. On crie beaucoup contre les imaginations romanesques. Je les crois, au contraire, beaucoup moins faciles à entraîner que les autres. L'habitude de vivre dans un monde imaginaire leur inspire des préventions contre tout ce qui se passe dans le monde réel. Les événements de la vie ne leur semblent jamais dignes d'occuper leur âme. Ce n'est jamais cela qu'elles attendent pour éclater. Et j'ai toujours vu ces jeunes filles au front pâle, au regard mélancolique, aux phrases nébuleuses et sentimentales. Finir par épouser volontairement de vieux maris pour de l'argent, tandis que les femmes raisonnables et rieuses risquaient noblement leur avenir dans un mariage d'inclination. Oui, les chimères romanesques préservent de l'amour. Je connais une femme qui, à l'âge de 16 ans, s'était dit qu'elle aimerait un jeune Anglais qu'elle rencontrerait dans une prairie. Voilà 40 ans de cela, et cette femme n'a jamais aimé parce qu'elle n'a jamais rencontré d'Anglais dans une prairie. Sans ce rêve, elle aurait peut-être aimé un ou plusieurs Français, rencontrés tout simplement sur les boulevards. Ceci prouve encore que les travers de l'esprit sauvent le cœur. Tancrède trouva Madame Télissier entourée d'enfants, non seulement des siens, mais de tous les enfants voisins et cousins. Cette troupe de démons tournait, sautait, galopait dans le salon, pendant que Malvina lui jouait des contredanses, des valses et des galops. En voyant entrer M. Dorimont, Malvina quitta le piano. À la grande consternation des danseurs, les uns s'arrêtèrent subitement, n'entendant plus la musique, les autres continuèrent de tourner, et trouvant pour obstacle ceux qui étaient au repos, les heurtèrent brusquement, et plusieurs d'entre eux tombèrent sur le tapis. La petite fille de Malvina fut de ce nombre. Elle avait à peine 3 ans. C'était une de ces petites boules toutes rondes et toutes roses, que le moindre choc fait rouler. Elle ne se fit aucun mal, mais elle pleura beaucoup. Tancrède, la voyant par terre à ses pieds, se hâta de la relever, avant que Malvina ait eu le temps de venir à elle. Il prit la petite fille dans ses bras, la mena vers sa mère, et tout le monde s'occupa de la consoler. Pendant ce temps, un vilain enfant roux, enfant de voisinage, s'était emparé de la canne que Tancrède avait laissée par terre en relevant la petite fille de Madame Télissier. Il s'était emparé de la canne merveilleuse, de cette canne qui... de cette canne dont... de cette canne par laquelle... avec laquelle... enfin, de la canne de M. de Balzac. L'affreuse enfant se promenait dans la salle à manger, autour de la table ronde, à cheval sur cette canne. Et comme il la tenait de la main gauche entre ses jambes, il était invisible, l'affreux enfant. Et Tancrède, ne le voyant pas armé de sa canne, n'eut pas idée de la lui reprendre. Ô fatalité! Malvina, heureuse de voir Tancrède consoler si gentiment sa fille, la laissa dans ses bras. C'était la seule coquetterie volontaire dont elle fut capable. Elle y fut entraînée par le plaisir qu'elle trouvait à les regarder tous deux. C'était un spectacle qui charmait les yeux que cette belle tête de jeune homme si près de ce joli visage d'enfant. Et lui, de son côté, employait ses flatteries détournées, si connues des jeunes gens, voire même des conscrits pour séduire les bonnes d'enfants. Ces compliments qui s'adressent à la petite fille et que la mère seule peut comprendre. Tancrède minaudait beaucoup, il faisait l'aimable, c'était fort bien. Mais quand on veut séduire, il faut tâcher de n'avoir pas autre chose à faire, et quel que soit le bien que l'on en vit, il ne faut pas négliger le trésor qu'on possède. Tancrède, après avoir joué longtemps avec l'enfant, alla reprendre son chapeau. Mais quel fut son effroi, il ne retrouva plus sa canne. « C'est Amédée qui l'a prise, » dit un autre petit garçon, jaloux de n'avoir pas eu le premier cette idée. Et chacun se mit à appeler Amédée. « Amédée, vous avez pris la canne du monsieur ? Amédée, le monsieur demande sa canne. Amédée, Amédée. »« Eh bien, quoi ? » dit l'enfant visible. « Me voilà. Pourquoi donc criez-vous comme ça ? Tiens, il est là. Où donc es-tu caché ? Je ne me cache pas, je suis là. » On chercha sous la table. « Alors, monsieur Amédée, » dit une tante en fureur, « c'est très mal d'avoir pris une canne qui ne vous appartient pas. »« C'est très indiscret. Pourquoi avez-vous pris cette canne ?» L'enfant, voyant qu'on le grondait d'avoir pris cette canne, la cacha bien vite dans un coin, et se montrant tout à coup, arriva les mains vides dans le salon. Tancrède, qui n'avait pas assisté à cette scène, cherchait sa canne sous tous les meubles. « Eh bien, la canne, » dit quelqu'un à l'enfant, « qu'en avez-vous fait ?»« Moi, je n'ai pas pris de canne. » « Oh, le menteur !» dit l'autre petit garçon. « Comment, vous n'avez pas pris la canne de monsieur ?»« Non, madame. »« Que faisiez-vous dans la salle à manger ? On vous a cherché, et l'on ne vous a pas trouvé. »« J'étais caché sous la table pour faire peur à Jules, » dit-il avec audace, car cet affreux enfant mentait très bien. La tante, qui avait été très maladroite dans sa sévérité, le fut encore plus dans son indulgence. « En effet, » dit-elle, « je suis allée moi-même chercher Amédée dans la salle à manger. » Et je puis dire que je n'ai pas vu la canne de monsieur entre ses mains. N'importe, cherchons, s'écria Tancrède dans la plus vive inquiétude. On se précipita dans la salle à manger, on chercha derrière les buffets. Rien. Près du poêle, rien. Enfin, quelqu'un s'écria. « La voilà, je l'ai trouvée, derrière la porte. » Tancrède s'approcha tout joyeux. « Tenez, lui dit la tante. » Et la tante lui présente une canne. « Oh, douleur !» Ce n'est pas la sienne. Ce n'est pas la canne de Monsieur de Balzac. C'est une grosse canne à parapluie. L'affreux enfant s'approche, il examine la canne et niait comme un voleur. Il s'écrie « Tiens, c'est drôle, c'est pas celle-là. Avec quoi j'ai joué? Je l'avais pourtant mise là, on l'a changée. » « Ah, malheureux, c'était donc toi qui l'avais prise !» s'écria Tancrède hors de lui, puis, craignant de se trahir. « On s'est trompé, dit-il. Donnez-moi ce parapluie, tâchons seulement de savoir à qui il appartient. »